Un simple sourire suffit à masquer sa tristesse. Au fond, je souhaite que le soleil brille et que la pluie cesse. Je ressens le besoin de la réconforter, apporter de la joie dans son cœur, envie de l'aimer. Je sais ce que certains des miens peuvent penser, mais j'aime ton parfum, femme noire. J'aime ta vitalité, son caractère, à nous de savoir l'apprivoiser. Je ne supporte plus de l'entendre traiter de t'aspect. La vie d'ici n'est déjà pas facile si nous ne protégeons pas nos propres sœurs. Qu'adviendra-t-il des enfants, de l'évolution, de la prochaine génération? Le futur nous réserve-t-il l'extinction, alors que la première femme sur terre fut noire? Rien que ça, pour te dire qu'elle mérite tout notre égard. Histoire d'une perle rare, comme repère dans le brouillard. Faut que je taille au lait sous la mienne, m'attends là-bas. Hey, hey, you're a black queen, baby, baby. The sunshine of my world. For nothing, you don't have to change your style. De tendresse, d'affection, de gentillesse. Mon seul remède en période de détresse face à l'oppresse. Jamais je ne me baisserai, garde un œil ouvert afin de voir un peu qui cesse. Mais peu m'importe, mes rimes montent en côte de sorte à ce qu'elles se sentent plus fort pour fracasser les portes sociales. Aucun soutien moral, sa vie prend des tournants jugés parfois paranormal. Prisonnière du béton, pour seul échappatoire ses émotions. Elle finit par craquer, perd la raison, s'affirmer pour son intégration. Est difficile pour une femme noire seule sous la pression. J'apporte aux Russes un peu de réconfort, sachant que la vie est rude, qu'elle ne s'apitoie plus sur leur sort. Je demande aux Russes de mettre le décor, de redoubler d'efforts, de sorte à ce que l'on remonte au score. Hey, hey. You're a black queen, baby, baby. The sunshine of my world. For nothing, you don't have to change your style and your mind. Pardonne-si. Le passé, tu fus offensé, y'a trop de regrets. Il est temps de me gracier, ma soleil. Réalise ce dont j'ai pu endurer afin de te donner un texte que selon moi tu valais. Il fallait bien qu'un jour ou l'autre tu puisses te parler, t'expliquer que tous les noirs ne sont pas ce que tu croyais. Je saurais te prouver qu'il te faut t'émanciper. Amazon frustrée, affronte les faits, cesse de flipper. Enceinte, le sort d'être femme sera ta beauté. Je te tendrai l'épaule si tu me souhaites à tes côtés. Partageons nos joies et nos peines, restons soudés pour attribuer la amour du foyer, dans le respect, que nos enfants demeurent bien élevés, éduqués, qu'ils sachent qu'ils ne doivent rien aux Français. Le brouhaha se dissipe, écoute-moi bien avant que je te quitte, bébé. Marche en véritable lady. Hey, you're a black queen, baby, baby. The sunshine of my world. For nothing, you don't have to change your style. My black queen, my love and my black.